J'ai quitté le club, j'ai équipé, j'ai appelé le plug. Faut que je rentre avant qu'il pleuve. Le ciel est triste alors il pleure. Aujourd'hui j'ai envie d'être seul. Je suis de ceux qui font ce qu'ils veulent. Ouais ouais, je réfléchis beaucoup. Si je suis en vie, j'ai la corde au cou. La vérité n'a qu'une facette. La vérité c'est mes 100 pincettes. Ouais ouais ouais, rien ne vaut plus que l'or. Ouais ouais, mais personne ne vaut plus que l'homme. Donc pour qu'ils se prennent, ils veulent diriger nos vies, veulent qu'on les craigne. Mais nous on craint que dalle, y'a rien qui nous freine. La haine qu'on récolte, ils ont semé les graines. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah autour de moi, je regarde la terre qui se noie, je regarde le ciel qui s'abat, ne me demande pas si ça va, juste ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, je regarde le monde qui s'écroule, ça ira peut-être mieux si je roule, ça ira peut-être mieux demain, si je reste sur mon chemin, si j'ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais. Ouais, ouais, ouais. Yeah. Mission accomplie, je réduis sa peine quand je suis avec elle. Elle m'a montré son cœur avant son corps, elle est belle. Yeah. Roule un doobie et on flex, yeah. Roule un doobie et on flex, yeah. Je vais tout baiser sans complexe, yeah. Je suis le meilleur, mais je suis pas un surhomme. Tu vois, comme si j'avais bu le sérum. Je respecte que droiture et loyauté. Pas trop confiance en la royauté. Ouais ouais, le monde se fait la guerre, mais l'amour et l'air pourraient sauver la terre. Ouais, j'perds du camp, j'perds du temps, c'est perturbant. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Je regarde tout autour de moi, je regarde la terre qui se noie, je regarde le ciel qui s'abat, donc ne me demande pas si ça va, juste ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, je regarde le monde qui s'écroule, ça ira peut-être mieux si je roule, ça ira peut-être mieux demain, si je reste sur mon chemin, si j'ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais, ouvre les yeux, ouais ouais ouais.